en toi de questions relatives à l'examen et à l'appréciation des devoirs moraux que les philosophes grecs appellent katekonta, devoir, on pose souvent celle-ci. Lorsqu'on vous a chargé d'une commission dont tous les détails sont nettement expliqués, vous est-il permis de vous écarter des instructions que vous avez reçues si vous pensez que l'affaire n'en ira que mieux et que vous serez plus utile à celui qui vous a confié l'exécution de ses projets? Question difficile à résoudre, et à propos de laquelle le pour et le contre ont été soutenus par des hommes de mérite. Plusieurs, s'attachant à une règle absolue, soutiennent que lorsqu'un citoyen, revêtu de l'autorité nécessaire pour être obéi, s'est arrêté à un projet après une mûre délibération dans une affaire personnelle, il n'est point permis d'agir autrement qu'il ne l'a prescrit, lors même qu'un événement imprévu donnerait l'espérance que les choses pourraient mieux réussir en modifiant l'exécution des ordres donnés. Parce que, disait-il, si notre espérance est déçue, nous encourons le blâme dû à notre désobéissance. Et notre témérité, sans excuse, mérite un châtiment. Si nous réussissons, rendons-en grâce aux dieux. Néanmoins, nous avons donné un exemple dangereux qui peut priver de leur autorité les plans les plus sages et détruire le respect pour les ordres reçus. D'autres ont pensé qu'il fallait préalablement peser les inconvénients qui résulteraient d'une désobéissance aux ordres reçus, si l'on échouait, et les avantages que promet le succès. Si les inconvénients sont de peu d'importance, si les avantages doivent être considérables, et si l'on peut raisonnablement espérer le succès, la désobéissance est permise. Il ne faut pas laisser échapper l'occasion favorable que nous envoie la divinité. Ceux qui soutiennent cette thèse pensent qu'avec de tels motifs, la désobéissance n'est point d'un mauvais exemple. Mais ils ajoutent qu'il est bon de connaître l'esprit et le caractère de celui qui a donné les ordres pour éviter de blesser un homme fier, dur, inexorable. Car si on doit rendre compte à un tel chef, il ne faut jamais s'écarter de ce qu'il a prescrit. Pour donner plus de force et d'intérêt à ces dernières considérations, je vais citer un trait de Publius Crassus Mutianus, citoyen illustre et célèbre. Ce Crassus, au rapport de plusieurs historiens romains, possédait 5 choses bien dites d'être considérées comme ce qu'il y a de meilleur et de plus important dans ce monde. La richesse, la noblesse, l'éloquence, la science du droit, la dignité de grand pontife. Pendant son consulat, ayant l'Asie pour province, il se disposait à mettre le siège devant Leuca, place fortifiée. Comme il avait besoin d'une poutre assez solide et assez longue pour en faire un bélier qui pût abattre les murailles de la ville, il écrivit à l'entrepreneur des bâtiments d'Élée, ville amie et alliée du peuple romain, de lui envoyer le plus grand des deux mâts qu'il se rappelait y avoir vu. Cet homme, ayant compris ce que Crassus voulait en faire, n'envoya point le grand mât, comme il en avait reçu l'ordre, mais le plus petit, qui lui paraissait le plus propre à faire un bélier et le plus facile à transporter. Crassus fait venir l'entrepreneur, lui demande pourquoi il n'a pas exécuté ses ordres. Et, sans écouter la raison et les motifs de sa désobéissance, il le fait dépouiller de ses vêtements et frapper de verges, persuadé que l'autorité des chefs s'affaiblit et se perd quand les inférieurs, au lieu d'obéir ponctuellement, modifient dans l'exécution les ordres donnés.